Tiens, je vais tout te dire. Il y a donc encore quelque chose ? Demanda le père en souriant. Cette innocence complète et bavarde avait tout à fait rassuré le baron. Un aveu de la dernière importance, répondit-elle. Je l'aimais sans le connaître, mais j'en suis folle depuis une heure que je l'ai vu. Un peu trop folle, répondit le baron que le spectacle de cette naïve passion réjouissait. Ne me punis pas de ma confiance, reprit-elle. C'est si bon de crier dans le cœur de son père. « J'aime, je suis heureuse d'aimer, » répliqua-t-elle. « Tu vas voir mon Venceslas, quel front plein de mélancolie, des yeux gris où brille le soleil du génie, et comme il est distingué. Qu'en penses-tu? Est-ce un beau pays, la Livonie? Ma cousine bête, épouser ce jeune homme-là, elle qui serait sa mère, mais ce serait un meurtre, comme je suis jalouse de ce qu'elle a dû faire pour lui. » Je me figure qu'elle ne verra pas mon mariage avec plaisir. « Tiens, mon ange, ne cachons rien à ta mère, » dit le baron. « Il faudrait lui montrer ce cachet, et j'ai promis de ne pas trahir la cousine, qui a, dit-elle, peur des plaisanteries de maman, » répondit Hortense. « Tu as de la délicatesse pour le cacher, et tu voles à la cousine son amoureux. J'ai fait une promesse pour le cacher, et je n'ai rien promis pour l'auteur. »